la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora. Conozco la persona que se disponía a formular las huellas de la actividad del día. Idiota. Compréndalo. Le había sido entregado bajo el sol como una píldora de vitaminas. Estrujaba la servilleta y olvidaba comer. En realidad, con la creciente adicción a su lento seducir a las mujeres. Expresión rígida y desconcertada. Severa modestia. Tenía mala memoria. Conversaciones tejidas en largas pasadas ante notario. Ultra parisiense. Solía conseguir joyas de salón visibles y prominentes. Ese grado de abultamiento característico del arte esclerosis. Ultra parisiense. Suburbio azul. Y escondió el rostro ante las manos. First it dissolves. Happy bubbles, but devoted bubbles. Then the Alka-Seltzer shoots into the stomach. Here it neutralizes that bad excess acid. Meantime, the specially bought for aspirin is speeding into your bloodstream to all places of pain. So those beautiful places will feel beautiful again. Alka-Seltzer is a work of art, truly one of a kind, like Dalí. Sentir Nosotros ya no estamos arriba de la persona de Cádiz. Es como estar en la persona bailando la casa. Sí, pero hay demasiados turistas en este momento. En esta de agua. Los cubos. No, en este momento. Antes de mediodía, allá de allá, y ser pescados. Alguien por libres, científicos. Entonces hay un tom, hay uno que me puso un decanín, que es más. Es como estar a una persona bailando la casa. Sí, pero hay demasiados turistas en este momento. Estudias y dinero. Aprovechando los amigos. Libres, libres. Muy importantes. Científicos. Entonces hay un tom. Hay uno que me puso un decanín. Que es más. Es como estar a una persona bailando la casa. Sí, pero hay demasiado. Turistas en este momento. Ya no se les acaba. En los comandos. No, en los comandos. Antes de mediodía. Allá de allá. Y ser pescados. Muy importantes. Científicos. Entonces hay un tom. Hay uno que me puso un decanín. Muchas más. Es como estar a una persona bailando la casa. Sí, pero hay demasiados turistas en este momento. Estoy cansado. Estoy cansado. Es tarde. No sé nada aún. Por el momento me quedo aquí. ¡Viva el príncipe! Estudias y dinero. Apoyando a los amigos, libres, libres, también por libres, científicos. Entonces hay un tom, hay uno que me puso un decanín, muchas más. Es como estar a una persona bailando la casa. Sí, pero hay demasiados turistas en este momento. Ya no se les acaba. Los comandos, no, en los comandos, antes de mediodía, allá de allá, y ser pescados. ¡Viva el príncipe! Et je l'ai retrouvé, banderille aux cheveux, enveloppé dans une magnifique tunique de brocart, appuyé sur une canne à pommeau d'or, toujours à la recherche de son personnage. Entre deux appels téléphoniques, 10 recommandations à ces gens, il les appelle ainsi, 100 pirouettes, nous avons parlé, et je puis vous l'assurer, sans la moindre intimité. Salvador Dali, je n'ai pas l'intention de vous découvrir, encore moins de vous révéler, mais vous ne trouvez pas que votre génie, parce que vous avez du génie, vous êtes pour moi un peintre génial, n'est pas un peu barbouillé par la publicité? Ah, c'est plutôt exactement le contraire. Parce que tous ceux qui m'interrogent, comme qu'ils sont, comme vous l'êtes probablement, des débiles mentales, chaque fois qu'ils posent une question, ils se foutent dans le pétrin. C'est le contraire. Si vous observez autour de moi, vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi. Vous n'êtes pas ridicule. Ah, écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène, à Adolf Hitler, qui était un grand personnage, il était aussi ridicule. Moi, je tâche de l'être... Et je n'y réussis pas. Mais nous ne sommes pas là où nous allons. Parce que maintenant, avec, au lieu de deux moustaches, comme j'ai maintenant, j'en ai fait 4, c'est-à-dire j'insiste, deux boucles de chaque côté, enfin, je commence à me préparer pour enfin déclencher ce sentiment de ridicule qui est là. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Yo siempre digo que soy el mejor pintor. Contemporain avec le plus de puissance paranoïaque critique. Salvador Dali, qu'est-ce que c'est un clown? Un clown, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui fait rigoler chaque fois qu'il pose une question. Bien sûr, cela vous gêne, vous étonne, vous agace que l'on n'entre pas dans votre jeu. Les clowns, pour vous, ce sont les autres. Et parce que vous regardez trop, vous ne reconnaissez plus. Mais revenons à votre point. Vous avez... Et ça, c'est l'exemple de assez mauvaise qualité, parce que moi, j'aimerais avoir des courtisans de grands styles, et j'ai des courtisans qui sont tout simplement des arrivistes. Tous mes amis se collent à moi uniquement pour avoir un peu de succès, parce qu'on dit, si on est avec Dali, peut-être je risque de sortir dans une photo. Enfin, toujours. Tous les gens qui m'approchent sont des arrivistes, parce qu'en sachant qu'en venant me voir, leur truc, leur photographie, leur disque risquent de se vendre un peu. Ce qui n'est pas vrai, parce que la plupart des gens qui m'approchent, après, il leur arrive ce qu'il est arrivé à Jules Breiner, ou celui qu'on appelle les cheveux, à beaucoup d'autres, ils viennent m'approcher, après ils perdent, en américain ça s'appelle perdre leur job. C'est-à-dire qu'ils viennent avec l'illusion de faire un grand succès, après on le fout à la porte de là où ils sont employés. Mais pour le moment, très souvent, après m'avoir connu quelques temps, tous ils perdent la situation de là où ils se trouvent. Entrez ! Voulez-vous, cher photographe, ouvrir la porte ? Parce que je crois qu'il y a un monsieur qui est en détresse. Le cirque Dali continue, des photographes, il veut aussi faire ses courtisans, son téléphone, ses états d'âme sont publics. Dali toujours en plein délire, essayons de reprendre ce drôle d'entretien. Salvador Dali, est-ce que vous vous rappelez votre jeunesse ? Yes, I love Salvador Dali. Especially I like his paintings about the clock. It really turns me on. Take a little closer. Let's see. Mm-hmm. Yeah. Very interesting. Yes. Mm-hmm. I like that. I've never seen a fried egg in a picture before, have you? This is very I like the little, strange, do the you? The man up in the, yes, in the top part, yes. Dali, sur le sol de Rose. Le sol de la terre. Les vêtus de blanc. Ses rêves sont blancs également. Le sang de Jules Verne. puis après, un bateau qui m'amène à la fleur et à la vie à son. On entend le tumulte de 3500 millions d'êtres qui battent en retraite. La voix de l'ange intervient à nouveau en faveur de l'humanité égarée. Leur peur tellement absurde. Leur parcours est tellement atone. Sphinx. Ni des gens. Attendez un instant. Ni des poumons. Personne. Je n'ai nul besoin. Jamais. Pourquoi peins-tu si peu de fleurs? Pourquoi les peins-tu ne parlez pas de langage. Ni des îles. Le bois est venu. C'est pour le blanc. En jamais. Sans couleur. Ni des champs. Le spectre le plus effrayant que ce soit de l'illusion instantanée et de la vie. Il y va. Mais à ce moment, je me souviens de ces voix d'ombre Et ça s'arrive avec le parfum de Chanel numéro 5. Le cadavre de Quand cet être humain, en plus d'être beau, il a une âme de la révolution. Parce qu'alors, l'être humain approche Allah. Parce que c'est un endroit. C'est le but ultime de toute notre énergie. J'ai proposé les saisons de l'année. Notre commémoration. L'été. Les hivers. C'est une saison merveilleuse à l'heure. Dans l'être humain. Entonces resulta que, con, para no pasar desapercibido, para empezar a vivir mejor, yo ya les tengo que llevo efectivamente. Aprovecho el que es Navidad para llevar una pequeña campanita. Como llevan los de Pernuel, con las barbas. Y entonces, si alguien no hace atención, pues clink, clink, clink, clink. Entonces se gira y me cae. Nadie se escapa. En ese despedido nadie se escapa. Y una cosa que es auténtica, es que tiene que ser un día. Des fantômes du trou de minutieusement, j'ai trouvé. Non, s'adresse à Delphine. Dans le sommeil, au moment où la carrosse triompha, Yamewa Gala, dans son château de Coupe, l'immortalité de l'âme, dans ce tourbillon de carbonique qui est le trou. Et que les escargots de mer de la baie de Polignac utilisent pour se renfermer totalement dans sa coquille et spécifiquement pouvoir vivre des milliers d'années sans besoin de ton métabolisme. Sa nourriture dans un état d'hibernation totale. De même que vous, à l'approche, la saison hivernale se bouche lui aussi le cul avec de la boue enduite. Vraiment, pour réduire son métabolisme minime, et au printemps, au moment de noces de Stravinsky, comme Walt Disney. Et surtout une matière, une antimatière. L'univers. Ami, il est, ne fais pas de compliments. Ami, pour les cuivres, au lieu de cuivre, cuivre. Vous voyez, cuivre, la liberté. Vous travaillez beaucoup, mais. Jacques Rousseau, notre grand héros espagnol, José Antonio. Travaillez beaucoup, mais. C'est un personnage qui s'appelait lequel il va le contrat social avant d'une petite boîte pour que les gens mettent leur opinion pour décider si je peux faire la note. Que c'est la joie de faire une femme, puisque la majorité des êtres humains des crétins, qui n'est pas des crétins de roi de Saint-Denis, parce que moi j'aime les crétins du sucre qui bavent, ceux que le roi d'Espagne avait dans la cour, mais pas ceux de Ginès, pourquoi c'est de la télévision, pas ceux de la radio, etc. Alors évidemment, d'après Jean-Jacques Rousseau, c'est la majorité qui doit se décider. En plus, cette majorité n'existe pas, parce que ça serait bien que dans le système américain, c'est tout décidé par des gens qui mangent des cigares et qui donnent des pourboires. Donc c'est la plus grande corruption. Tandis qu'on prend, il suffit d'être prince pour qu'il ait déjà pas besoin de mettre l'argent en Suisse, ni de faire des compagnies de télévision, ni de rien. Donc la plus grande garantie de corruption est de loin. Et abominable, équivoque, c'est la démocratie, la platitude. C'est pour ça que José Antonio de Rivera s'était levé contre le principe démocratique. Il avait instauré dans son cerveau des régimes qui, eux, garantissaient beaucoup plus la liberté de chaque individu, puisque dans une monarchie absolue, il y a place. C'est le roi qui garantit la diversité de ses contrées. Totalement dans le noir. Et les positions, Il récite le passage du second manifeste surréaliste qui se rapporte à la liberté comme unique valeur digne d'émouvoir. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revers au point, à descendre dans la rue et à tirer au hasard. Dans la foule, qui n'a pas eu au moins une fois envie d'en finir de la sorte, avec le petit système d'avertissement et de prédilection, car sa place dans cette foule, vendre à hauteur de canons, et des envies de parler, liberté de penser, liberté d'obéir. Liberté de fuir. Catholique, romain et roumain. Admettre qu'une chose aussi divine que le commencement d'une vie humaine puisse arbitrairement supprimer. Alors si on avait l'habitude de condamner à mort ceux qui se permettent arbitrairement de condamner les morts aux autres, il y aurait beaucoup moins d'avortements. Thank you. Les protestations augmentent. Un prédicateur envenime encore les choses. Les traîtres méritent d'être jugés. Ne serait-ce que par respect pour leur intelligence. Il y a deux jeunes sur la cime du froid. 10 000 Chinois s'accrochent à l'une. 300 200 jeunes hommes s'accrochent à l'autre. La chaise, la chaise, la chaise, la chaise. Ouvrez les tiroirs du ciel et de la terre. Volez les secrets et les mains avec le monde dans l'ensemble des éclats de l'air spécialement écrit par Jean-Pierre Dallon, à son propre bien ce qu'on a dépendance un jeu. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y en a trois, il y a Vermeer, Bettel, Velasquez, et Gormand. Il y a Thank you. nothing appeared in my life. Delirious, antagonistic, impossible. Would be better. My method was standard. D'accord. Séparons le ciel de la terre, la lumière des ténèbres, l'homme de son origine, ainsi que je rappelais. Dans ce cas, qu'on ne sépare pas, ni l'une chose ni l'autre, et au contraire qu'on met de l'âge lourd d'attraper les oiseaux les plus visqueuses, Dream, ou que vraiment ce soit en pleine contradiction avec le sexe. My case is absolutely different way, because my kind is the contrary of the design consistency. Yes, I understand that the geology, what you see here, confirms the images. The images are your private images in Dali's head. Exactly. Je suis fou du chocolat l'envers. Amnesia che mi ha dato un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un caratteristico di un Allora, que je remonte. C'est un bon La estructura molecular del ácido desoxirribo nucleico. El talento de David no podía no la cámara con el pulso que se dio la idea de que se dio la idea de que se dio la de tan moderno aún la juventud no puede comprender. Ellas tienen una manera biológica de crear, que es de hacer embriones. Lleno de antrógenos y muy desde la primera molécula creada por Dios hasta hoy, todo se ha transmitido genéticamente según las leyes de la monarquía. Porque lo más moderno hoy día es la holografía. Yo siempre digo que soy el mejor pintor que existe hoy en el mundo, pero no porque yo sea bueno, es únicamente porque los otros son tan malos. Soy el mejor pintor en el mundo. Cuando era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, si hubiera microscopios suficientemente poderosos... ¿Sabe usted que Miró ha dicho que usted es solo un pintor de corbatas? Me ha hecho mucha gracia esa cosa de Miró, porque precisamente él, como todos los pintores abstractos, el único camino que les queda es de evolucionar hacia el arte meramente decorativo. Ustedes saben bien que yo soy sobre todo un monárquico. Yo tengo que tocar la madera y digo constantemente que muchas veces tengo realmente miedo de morirme de demasiada satisfacción. Que las vistas limpias de publicidad de su pasante. Es conocido que biológicamente la mujer nunca ha sido capaz de grandes obras de arte. Págame ya criticalmente. Y está imaginando que los niños, They're the ones who deserve it the most. Salvatore Dali. I'm an art gallery. The world's greatest living walking. Talking pet. Es una verdad como un templo. No suporto la mosca bruta de ciutat o fins i tot de poble amb el ventre de color groc maionesa inflat amb les ales negres com si les haguessin sucat en un lúgubre rímel necròfil. Només m'agraden les mosques natíssimes, superalegres, vestides amb roba d'alpaca gris per Balenciaga, escornejats com un arc de Sant Martí sec, precises com la mica, amb els ulls granats i el ventre de noble groc de Nàpols, com les meravelloses i petites mosques d'olivera de Portlligat on només viuen Gala i Dalí. Visceralment em revolto, reclamo una vida en el més enllà amb persistència de la memòria. És un fanàtic. Nunca he visto un prototipo de español más claramente. Visibles y prominentes. Oh,